Sainte Bible selon Saint Jérôme, livre de l'Exode, chapitre 13. Le Seigneur parla encore à Moïse, disant, consacre-moi tout premier-né qui ouvre un sein parmi les enfants d'Israël, tant d'entre les hommes que d'entre les bêtes, car à moi sont toutes choses. Et Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour auquel vous êtes sortis de l'Égypte et de la maison de servitude, car par une main puissante le Seigneur vous a retirés de ce lieu. Vous ne mangerez donc point de pain fermenté. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des nouveaux grains. Et quand le Seigneur t'aura introduit dans la terre du Cananéen, de l'Éthéen, de l'Amoréen, de l'Évéen et du Jébuséen, terre qu'il a juré à tes pères qu'il te donnerait, terre où coule du lait et du miel, tu célébreras cette pratique sacrée en ce mois. Pendant 7 jours tu te nourriras d'azymes, et le 7e jour sera une solennité du Seigneur. Vous mangerez des azymes pendant 7 jours, et il ne paraîtra point de pain fermenté chez toi, ni dans tous tes confins. Et tu le raconteras à ton fils en ce jour-là, disant, voilà ce qu'a fait pour moi le Seigneur quand je suis sorti de l'Égypte. Et ce sera comme un signe en ta main, et comme un monument devant tes yeux, et afin que la loi du Seigneur soit toujours en ta bouche. Car c'est avec une main puissante que le Seigneur t'a retiré de l'Égypte. Tu observeras un culte de cette sorte au temps marqué d'année en année. Et lorsque le Seigneur t'aura introduit dans la terre du Cananéen, comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu sépareras pour le Seigneur tout ce qui ouvre un sein et ce qui est primitif dans tes troupeaux. Tout ce que tu auras du sexe masculin, tu le consacreras au Seigneur. Tu échangeras le premier-né de l'âne pour une brebis, que si tu ne le rachètes point, tu le tueras. Mais tout premier-né de l'homme d'entre tes fils, c'est avec de l'argent que tu le rachèteras. Et quand ton fils t'interrogera demain, disant « Qu'est-ce que ceci ?» Tu lui répondras « Par une main puissante, le Seigneur nous a retirés de la terre d'Égypte, de la maison de servitude. » Car comme Pharaon s'était endurci, et qu'il ne voulait pas nous laisser aller, le Seigneur tua tout premier-né dans la terre d'Égypte, depuis le premier-né de l'homme jusqu'au premier-né des bêtes. C'est pourquoi j'immole au Seigneur tout mâle qui ouvre un sein, et je rachète tous les premiers-nés de mes fils. Ce sera donc comme un signe en ta main, et comme quelque chose de suspendu entre tes yeux, pour souvenir, parce que par une main puissante le Seigneur nous a retirés de l'Égypte. Or, quand Pharaon eut laissé aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin de la terre des Philistins qui est voisine, pensant que peut-être ils se repentiraient s'ils voyaient des guerres s'élever contre lui et qu'ils retourneraient en Égypte. Mais il leur fit faire un détour par la voie du désert qui est près de la mer Rouge. Ainsi, les enfants d'Israël montèrent armés de la terre d'Égypte. Moïse emporta aussi avec lui les os de Joseph, parce que Joseph avait adjuré les enfants d'Israël, disant « Dieu vous visitera, emportez d'ici mes os avec vous. » Partis donc de Socot, ils campèrent à Étham, à l'extrémité du désert. Or le Seigneur les précédait pour montrer la voie, le jour dans une colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu, afin qu'il fût leur guide dans l'un et l'autre temps. Jamais la colonne de nuée ne disparut devant le peuple durant le jour, ni la colonne de feu durant la nuit. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.